الموالاة تتضمن المحبة والنصرة والموافقة خلافا للمعاداة. Alors là, la définition un peu de wala wal bar, qu'on appelle aussi al-muwala ou al-muada. Al-wala ou al-muwala englobe quoi? Al-mahaba, l'amour. Donc il faut aimer le musulman. Ou al-nusra, le secours. Il faut les secourir quand ils sont agressés. Ils n'ont pas dire non, non, les laissez-les, ils patientent et c'est tout. Ou al-muwafaqa, et d'être en accord avec eux. Khilafan al-muada, à la divergence de l'animosité. Donc ça, c'est par rapport au mécréant. Donc, au mécréant, il faut avoir le comportement inverse. Et attention, dire le comportement inverse ne veut pas dire être injuste envers eux. D'accord? Comme a dit Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, Omirna an nuzilluhum wa la nazlimukum. An nuzillukum wa la nazlimakum. On a été ordonné d'être dur sur vous, d'accord? C'est là de vous, pas de vous, on peut dire humilier, mais de vous rabaisser, mais pas d'être injuste envers vous. Je vais donner un exemple que je donne souvent qui est très clair. Un mécréant, qu'il soit juif ou chrétien, d'accord, qui est dans un état islamique et qu'il vit, et son pays, c'est cet état, il est dans un état islamique, où qu'il soit, que ce soit dans le monde, d'accord, il va payer la jizya. Il va payer la capitation. La jizya. À partir de ce moment-là, ce mécréant-là, il devient haram aux musulmans. C'est-à-dire qu'il devient interdit. Damuhu ou amaluhu, son sang est haram et son argent est haram, c'est-à-dire qu'il est interdit aux musulmans ou à la musulmane de porter atteinte à son sang, donc de le tuer ou de le blesser ou de prendre son argent. Sinon, il fait un péché, un grand péché, et il peut aller en enfer pour avoir porté atteinte à ce mécréant. D'accord? D'accord? Donc l'animosité, elle a des limites. Et comme exemple aussi sur ceci, comprenez bien ça, un musulman ou une musulmane qui va voler de l'argent à un mécréant qui paye sa jizya, on coupe la main du musulman ou de la musulmane. C'est bien clair? Donc, il faut faire attention, on n'est pas injuste envers les mécréants, mais il y a certaines choses avec eux qu'on ne peut pas faire. D'accord? Je vais continuer, Inch'Allah. Il est déjà 22h, on va un petit peu. Ou al-mu'ada, donc l'animosité, ça englobe quoi? Al-bourd, la haine. Ou al-khidlan, la défection. Le fait, c'est-à-dire quoi? De ne pas les secourir, d'accord? Ou al-mukhalafa, et de diverger d'eux. Quand je dis ne pas secourir, ça veut dire ne pas trahir, d'accord? Comme je l'ai bien dit, il faut faire attention. Quand on a un pacte avec eux, on ne les trahit pas. Mais par contre, si jamais ils attaquent des musulmans, on ne vient pas secourir les musulmans. Quand les mécréants vont attaquer des musulmans, on ne vient pas secourir les mécréants contre les musulmans. Mais c'est le contraire. On va citer un verset qui est très important dans Al-Wala ou Al-Bara, qui est dans la surat Al-Mumtahana ou Al-Mumtahina. Certains disent Al-Mumtahina, d'autres Al-Mumtahana, qui est parmi les. Vers la fin du Coran, au verset numéro 4. Allah Azza wa Jal dit ceci: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Certes, vous avez un bon exemple dans Abraham et ceux qui étaient avec lui. Id, lorsque quoi? Qalu li qawmihim, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, donc on a un bon exemple dans Ibrahim, dans Abraham, alayhissalam, et ceux qui étaient avec lui, quand ils ont dit ça à leur peuple, donc dans cette parole, ils ont dit ça. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Certes, nous sommes innocents, nous nous désavouons de vous, donc de vos personnes mêmes. Wa mimma ta'budun min dunillah, et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. C'est qu'on se désavoue, on est innocent de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc de vous-même, de vos personnes, on se désavoue. Et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, on se désavoue aussi. Ensuite, il y a ceci. Kafarna bikum. Nous vous renions. Kafarna. On est des kuffar bikum. On vous mécroit. Et là, c'est vous, vos personnes. Et comme vous voyez dans certains tafsils, il est dit que là, il n'a pas dit kafarna bima tarbunu min dunillah. On mécroit à ce que vous adorez en dehors d'Allah. Non, c'est vous-même. On vous mécroit, vous. Parce que si on mécroit la personne, ça implique sur ce pourquoi on mécroit, c'est-à-dire le fait qu'ils adorent autre qu'Allah, azawajal, et donc c'est beaucoup plus fort. Et ça implique comme quoi il y a un désaveu à se faire des personnes même qui sont mécréantes. Contrairement à ce que certains peuvent dire, certains disent, non, moi le mécréant, je l'aime, mais c'est sa mécréance que je n'aime pas. Ceci est une erreur, d'accord ? C'est un égarement. Et c'est contraire au Coran et à la Sunna. On doit détester la mécréance et les gens de la mécréance. D'accord ? Et comme je vais donner l'exemple, détester les gens de la mécréance, donc les mécréants, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi avec eux. Hein. On ne les tue pas n'importe quoi et tout ça, il y a des limites, attention. D'accord ? Mais là-bas, c'est qu'on ne doit pas les aimer. Et ce verset en est la bonne preuve. Kafar nabikum, on vous mécroit. Et ensuite, ce verset n'est pas fini, et ça continue, d'accord ? Très fort. Là, c'est ce genre de verset que certains mécréants aiment bien pour dire aux autres mécréants, regardez comme l'islam vous déteste. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَحْدًا. Est apparu, bada, c'est-à-dire wada, zahara, est apparu. Bainana wa bainakum, entre nous et entre vous, c'est-à-dire entre nous musulmans et vous mécréants. Qu'est-ce qui est apparu? Al-adawa, l'animosité. Wal-barda et la haine. Abadan, à tout jamais, hatta tu'minu billahi wahda, jusqu'à ce que vous croirez en Dieu, en Allah, seul. Et donc, on espère quand même des mécréants qu'ils deviendront musulmans et à ce moment-là, ils deviendront nos frères et nos sœurs. Sans aucune distinction. Donc là, il est bien dit aussi qu'il faut avoir l'animosité et la haine. Alors certains pourront dire que dans le verset, il est marqué « al-radawa ou al-barda ». La haine et barda, l'animosité, en fin de compte, ce sont deux choses. Donc Allah a dit de deux manières différentes, de deux prononciations différentes, la même chose, c'est pour bien affirmer. Eh ben non. La bonne parole sur ceci, c'est que la radawat est une chose et la barda est une autre chose. Voilà, c'est l'explication. Al-radawa, c'est par rapport au corps, ou al-barda, c'est par rapport au cœur. Al-radawa fil badan, ou al-barda fil qalb. Je m'explique. Al-radawa, l'animosité, c'est ce qu'on va montrer comme animosité par rapport au cœur. Donc on va le démontrer. Déjà par la parole et aussi par les actes. C'est-à-dire, bon, on ne va pas s'allier avec eux dans les guerres, etc. Et le barda, c'est la haine qu'on a dans le cœur, c'est-à-dire qu'il faut avoir de l'animosité dans le cœur, même si on ne le fait pas apparaître par le corps. D'accord ? Donc il faut avoir ces deux choses. J'espère que je me suis bien fait comprendre sur ceci. Allah Azzawajal a dit dans un autre verset, dans Surat Al-Fatih, l'ouverture, où on peut dire aussi le traduire par la conquête. Le fait, c'est la conquête de l'ouverture de la Mecque, la conquête de la Mecque, au verset 29. Allah Azzawajal commence ce verset par ceci. Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Ceux qui étudient un petit peu Al-Nahu, c'est simple. Muhammad Mubtada wa Rasul Khabar. Mubtada Marfou wa Khabar Marfou Aidan. Wa Rasul Mudaf wa Lafz Jalala Mudaf Ilay. D'accord ? C'est une phrase très simple. Ismiya. Il y a Mubtada et Khabar. Muhammadun, Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffar ruhama'u baynahum. Et ceux qui sont avec lui, donc ceux qui sont avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous faisons tout pour nous aussi être avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont quoi comme caractéristique? Ils ont celle-ci. Ashidda'u ala kuffar. Ashidda, c'est le pluriel de shadid, dur. Donc, ils sont durs sur les kuffars, sur les mécréants. Ruhama ou bainahum. Ruhama, c'est le pluriel de rahim, miséricordieux. Ils sont miséricordieux entre eux. Et c'est ça la base, mes frères et mes sœurs. Entre musulmans et musulmanes, on doit être très miséricordieux et on doit être dur sur les mécréants. Mais comme je l'ai dit, être dur ne veut pas dire être injuste. J'en fais juste une petite parenthèse sur ceci avec la religion du Talmud. C'est-à-dire, si vous allez notamment sur mon blog que j'ai fait, islam.france, je parle sur Overblog, je parle et je démontre par rapport au Talmud la religion juive talmudique. D'accord ? Non pas la religion juive, la religion de Moïse, alayhi salam, ce prophète et des autres prophètes qui faisaient partie de Bani Israël, donc des enfants d'Israël, d'accord ? De Yaqub. Mais la religion, du Talmud, c'est la religion que les rabbins ont fait. Ils ont écrit un livre qui s'appelle le Talmud, qui est divisé en deux livres. Et dans ce livre-là, ils disent même, écoutez bien, que ce que font comme loi les rabbins, ça a autorité sur Allah, sur Dieu. Comment faire un kouf plus grand que ceci? D'accord? Donc ça, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas dans la Bible, c'est un autre livre, c'est un livre qui a été écrit par les rabbins. Et dans ce livre, il est marqué qu'il y a ce qu'on appelle les goyim. Et les goyim, ce sont les mécréants. Et c'est quoi un goy, un mécréant, chez les juifs? Eh bien, c'est celui qui n'est pas de race juive, parce que dans la religion juive talmudique, être juif, c'est être de race juive et non pas de croyance juive. D'accord? L'islam, c'est une religion de croyance, et même la chrétienté, c'est une religion de croyance. Par contre, c'est une religion mécréante, la chrétienté. Mais la religion juive du Talmud, ce que vous voyez, les juifs en ce moment, c'est une religion qui est basée sur la race. C'est-à-dire que pour être juif, il faut être de race juive, et donc il faut être né d'une mère juive. C'est-à-dire si un juif a un enfant avec une goye, hein, une non-juive, eh ben, les enfants ne seront pas juifs. Et vous allez savoir ce qu'ils vont être. Par contre, tout enfant qui sort d'une femme juive, eh bien, il est juif par la race. Ils sont très racistes, les juifs du Talmud. Et dans le Talmud, on lit que le goy, donc celui qui n'est pas juif, pas de race juive, il n'est pas un être humain, mais il est un animal. Parce que pour eux, dans leur croyance, les êtres humains, c'est seulement les juifs. C'est tout. Et que les goyim, donc les non-juifs, sont des animaux. Et que ces animaux ont une spécificité, ils sont voués à l'enfer, d'accord? Et donc, ils ne peuvent pas concrètement devenir juifs, parce qu'ils ne peuvent pas devenir de la race juive. Et ces animaux-là, donc c'est nous, hein, ces mécréants-là, appartiennent au premier juif qui le prend. Et que tout pacte qu'un juif fait avec un goy n'a aucune valeur, d'accord? De pacte de non-agression, ou d'acte, ou de vente, ça n'a aucune valeur. Et que quand un juif peut prendre l'argent d'un goy, il le prend de n'importe quelle manière qu'il peut. Et même s'il habite dans un territoire qui est légiféré par les juifs et qui font un pacte, ce pacte est nul et non avenu. D'accord? Donc l'islam, par rapport à ça, n'a rien à voir. Comme je l'ai dit, un mécréant, déjà d'une, on espère qu'il deviendra musulman, déjà. Et de deux, si jamais par exemple, il habite dans un territoire islamique qui paye la jizya, eh bien c'est interdit aux musulmans de porter atteinte à son sang et à son bien, d'accord? C'est juste une petite parenthèse pour bien faire voir ce que c'est que le Talmud et comprendre pourquoi l'État juif là qui n'applique jamais tous les pactes qu'ils font, parce qu'en fin de compte, ils font des pactes avec des animaux qui sont des mécréants. Et aussi dans leur croyance, dans le Talmud, ils disent que ces animaux, donc les non-juifs, c'est Dieu, Allah, qui les a créés pour les juifs afin qu'ils servent les juifs, d'accord? Allez sur certains sites ou quoi, ou sur islam.france, vous allez voir les passages du Talmud, vous n'allez pas être déçus. Ensuite, Allah Azzawajal a dit « وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » Ça, c'est dans la sourate Al-Baqarah, sourate la vache, au verset 120. Donc Allah Azzawajal a dit « Et les juifs et les chrétiens ne t'agréeront jamais jusqu'à ce que tu suives leur religion. » Donc, inutile d'espérer que les mécréants, hein, juifs ou chrétiens, nous agréent, commencent à nous aimer, à nous accepter. Non. Jusqu'à ce qu'on suive leur religion, regardez bien dans ce qui se passe à chaque fois dans les pays de Kouf, comment ils font la pression afin de suivre leur religion, comme par exemple en Occident, qui est leur religion démocratique ou voire laïque, jusqu'à ce qu'on suive leur religion, leur mécréance. Qu'Allah nous préserve de tomber dans leur mécréance, et leurs mécréances sont de diverses sortes et de couleurs. Il est 22h13, Inch'Allah, on va s'arrêter ici Inch'Allah, s'il y a des questions, parce que s'il y a des questions, on va arrêter, donc ça va connaître jusqu'à 22h30. Barakallahu fikum, des questions seulement sur le cours du Tawahid, d'accord? Bien sûr, n'allez pas faire, comment dire, ne posez pas de questions ou d'interventions